gros unique énorme. Oh, c'est Jean qui fait que Jean qui le gâche là. Ah, y'a un leak, il y a un chien s'accroché de venir, et c'est bon de s'asseoir, moi, хуй. Et c'est bon de слышать только расслабленный Пугачёв, потому что все остальное ебаная хуйня и попса. Вот так вот, бро! Oh,